Indiana Jones, l'aventurière, a pour fouet une serpillière. Indiana Jones, Indiana Jones, elle en use dans les bonnes manières pour traquer les tâches des pervers. Indiana Jones, Indiana Jones, Indiana Jones est très déçue, elle ne trouve pas de tâches perdues. Indiana Jones, Indiana Jones, l'aventurière archi perdue, trouve pas même un petit poil de cul. Indiana Jones, Indiana Jones, elle travaille dans un hôtel, femme de chambre, on se moque d'elle. Indiana Jones, Indiana Jones, l'empêche avec sa serpillière, je dis que c'est une aventurière. Indiana Jones, Indiana Jones.